Pour tous vos problèmes en électricité, c'est les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés au niveau résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les électriciens du Nord, c'est au 1025 Première Rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'acheter localement protège notre économie. Notre ami Gilles Péloquin, M. Ligue nord-américaine, est en vacances cette semaine et c'est un gars qu'on connaît très bien qui va le remplacer. C'est le descripteur des matchs des Marquis Joker, Dominique Bolduc, à la station CKJ. Salut Dominique. Salut David. Dominique, transaction hier chez les Marquis de Jonker. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une transaction majeure? Quand même, oui, parce que Hubert Poulin faisait partie des livres depuis déjà un an et demi avec la formation de Jonker. C'est un joueur qui avait connu un très bon début de saison. Il a marqué 4 buts dans ses 4 premiers matchs. Il avait raté les 5 premières rencontres en raison d'une suspension, mais il avait quand même, là, on sait que c'est un joueur qui est en forme, c'est un des derniers vrais hommes forts, on peut dire, mais lui, c'est un joueur qui est capable de jouer au hockey. Il est très en forme, il a un excellent coup de patin, bon lancer aussi. Donc, on peut dire que c'est une transaction majeure parce qu'advenant le fait que ce qu'on a eu en retour du côté des Marquis de Jonker, Nicolas Blanchard, et également le choix de première match, c'est un bon choix advenant que Saint-Georges termine dans le bas du classement. Donc, ça peut être un des deux premiers noms à être nommé du côté des Marquis. Ça va être les Marquis qui vont l'avoir. Donc, ça va être un joueur d'impact. Oui, on peut dire que c'est une transaction majeure. Hey, comment se fait-il que les hommes forts quittent la Ligue nord-américaine? Ben en fait, ce qu'on veut, c'est un peu un changement. Ce qu'on veut maintenant, ce sont des joueurs qui sont capables de jouer également au hockey, et non pas des joueurs qui sont juste là pour se battre. On veut une nouvelle mentalité, puis de toute façon, ces joueurs-là, c'est devenu une denrée tellement rare. On a plus de joueurs développés comme ça. Puis des bagarreurs, en fait, on n'aura presque plus non plus. Là, il va falloir à un moment donné faire un virage, parce que là, on regarde dans le junior majeur, des bagarres, il y en a presque plus. C'est tellement rendu minime. Le hockey a tellement changé. Donc, ce genre, ce type de joueur qui n'est pas fait pour faire un chiffre au complet ou faire des présences régulières, malheureusement, ça n'a plus vraiment sa place dans la ligue nord-américaine, qui est rendue une ligue avec tellement de talent, doivent maintenant aller du côté des calibres un peu inférieurs. On pense à la ligue d'hockey du senior de la Côte-Fleuve, qui quand même offre du très bon hockey, mais un peu plus de robustesse, ou sinon la ligue senior A, l'ancienne ligue de la Mauricie. OK. Dominique, puisque je t'ai été descripteur des Marquis, tu suis très près des Marquis, il y a deux de nos gars que je veux que tu me donnes des nouvelles, Philippe Paradis et Simon Tremblay. Philippe, j'étais content quelque part qu'il se joigne avec les Marquis. Je me disais, si ça y tente, ça va être une excellente acquisition. Puis forcé d'admettre, puis le gars, il n'est pas encore en game. J'imagine qu'il n'est pas encore en ce qu'on appelle game shape, là. C'est une très bonne acquisition. Je suis content pour les Marquis, Philippe Paradis. Absolument, absolument. Puis t'as raison, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait en game shape. Mais ça s'en vient tranquillement pas vite. Et il y a certains qui disent que non, il est impressionnant, mais justement, il n'est pas en game shape. Donc on va s'imaginer lorsqu'il va l'être. C'est un joueur qui est dominant, qui a tellement de belles visions de jeu, très intense, bon maniement de rondelles. En plus, il est grand, il est gros, donc des bons coups d'épaule. Et c'est un gars qui est capable de contrôler vraiment le jeu. Et il est bourré de talent. Alors, c'est pas pour rien qu'il est empêché. C'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Mais c'est assez impressionnant de le voir contrôler le jeu. Puis il y a le cœur à l'équipe. On voit qu'il y a du plaisir à jouer. Puis c'est le fun de voir ça. Donc, c'est un atout qui est très, très, très important là, du côté des Marquis. OK. L'autre ami, l'autre, Simon Tremblay, je sais qu'il a été laissé de côté au dernier match. Simon, c'est un peu son joueur. C'est un joueur d'énergie. Comment ça se passe avec lui chez Marquis depuis le début de l'année, là? Oui, bien, Simon a joué quelques rencontres depuis le début de l'année. Simon n'est pas un joueur, on peut dire, régulier du côté des Marquis de Jonker, mais lorsqu'on a besoin de ses services, il ne recule jamais. C'est un joueur qui a également beaucoup d'intensité. Il va reculer devant rien. Cette année, en 11 matchs, il en a joué 5. Il est quand même 2 millions d'années, il est plus ça. Donc, il va amener beaucoup d'émotions sur la troisième ligne, beaucoup de vitesse, également un bon maniement de rondelle, doit terminer ses mises en échec. Donc, un joueur avec beaucoup d'émotions comme ça, ça peut juste encourager les autres là, à suivre son allée, tout simplement. Là. Donc, il joue peut-être pas à temps plein, si mon Tremblay, mais c'est un joueur qui amène de gros résultats du côté des Marquis lorsqu'on l'utilise. OK. Doug Archibald, on va aller un peu plus dans la Ligue, activité de la Ligue. Doug Archibald, congédié par le coup de Saint-Georges-de-Beauce. Me semble que c'est surprenant, hein? C'est ce qui me trompe? Oui, puis non. Je pense du côté de Saint-Georges, qui est une équipe assez locale. On voulait peut-être chercher quelqu'un de local. Okay. On sait que M. Archibald était dans la région du Saguenay, faisait un peu tout à distance. Puis je pense que le conseil administratif du Coulesson n'appréciait pas cette méthode de faire. Surtout que, ce qu'on voyait, M. Archibald n'avait pas été impliqué vraiment dans l'hockey dernièrement. Est-ce qu'il connaissait vraiment le calibre de la ligne nord-américaine? Est-ce qu'il avait encore les contacts nécessaires pour améliorer la formation? Il y a deux transactions qui ont été faites un peu douteuses. Le fait d'échanger Patrick Bordelot à Sorel, échanger Yannick Tiffu, qui étaient deux excellents joueurs. Tiffu qui est maintenant rendu à Trois-Rivières. Je pense que ça se demandait si on n'a pas engagé quelqu'un de l'étranger pour faire la job sale, d'échanger les gros salariés, comme on peut dire, et par la suite de le remercier puis de prendre quelqu'un de local. Maintenant, c'est Jesse Bélanger, qui est un ancien joueur du Cool FM et qui est directeur général. Mais c'est quand même un peu spécial là, d'avoir été trois semaines directeur général. Il a fait deux transactions, par la suite, on le remercie. Mais bon, c'est la décision du Cool FM. Maintenant, on a quelqu'un de local en Jesse Bélanger qui devra faire ses preuves, ça c'est sûr et certain. Pour un gars qui est vraiment... Bon, oui, connaît le calibre, connaît la ligue, mais est-ce qu'il est apte à faire ce travail? C'est comme un peu un excellent joueur, peut pas nécessairement être un bon entraîneur. Ben, c'est la même chose côté directeur général. OK. En terminant, Dominique, les assistances. Dis-moi, la semaine passée, le gars de Thetford Mines, la direction des systémiques, on lance un crédit du cœur, il faut que les gens nous encouragent. Qu'est-ce qui se passe à Thetford? Il me semblait que c'était quand même une bonne ville, la Ligue nord-américaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour en venir là? Ben, c'est une bonne ville, puis je pense que les villes qui sont là en ce moment, ce sont des bonnes villes pour la Ligue nord-américaine. Est-ce que les gens ont peu délaissé, ont encore la vieille mentalité de hockey senior avec des bagarres? À un moment donné, il va falloir tourner la page. À un moment donné, il va falloir évoluer, là, parce que il y a tellement du beau hockey. Tu regardes l'équipe de Thetford Mines qui sont au premier rang cette année. Des gars comme Thomas Beauregard, Sylvain Deschâtelains, Sébastien Courcelle, Alexandre Tremblay, Maxime Massenauer, qui a joué avec les Ducks d'Anaheim dans la Ligue nationale, devant Francis Wattier, qui est un joueur de remplacement, Bruno Saint-Charles, qui a fait la Ligue nationale, Gabriel Girard, qui est un excellent gardien de but, une équipe tellement compétente, puis t'as de la misère à avoir 900 000 personnes par match. Il y a vraiment un problème. Ça a posé la question à savoir qu'est-ce que le monde veut vraiment pour le calibre de la Ligue nord-américaine. Et là, ben, il y aura certaines questions, certaines réponses là à tout ça. Je pense qu'il y aura un certain raisonnement à faire. Je pense que le calibre est très intéressant. L'intensité est là aussi. Mais si ça ne fait pas l'affaire des gens, qu'est-ce que ça va prendre? Ben là, c'est là qu'il faut poser la question. Mais c'est vraiment dommage du côté de Thetford-Mines. C'est la même chose du côté de Saint-Georges. Les Marquis sont allés à Saint-Georges vendredi samedi. Il y avait à peu près 800 personnes. Donc, c'est dommage de voir ce genre d'aréna qui, normalement, attirait 1500, 2000 spectateurs. Et c'est la même chose du côté de Jonquière. Écoute, on avait des foules de 1700, 1800 spectateurs. Puis là, ça tourne autour du 1300, 1400 par match. Un petit peu inquiétant. Est-ce qu'il faut poser sur le bouton d'alarme? Pas nécessairement. On sait que normalement, après les fêtes, il y a toujours une hausse des assistants. Il va falloir attendre jusque-là, mais il ne faudra pas trop attendre non plus avant que les arénas se vident complètement et qu'on se rende compte que le calibre n'intéresse plus personne. Hey Dominique, tu dis ça, mais le MJR Express a attiré 750 personnes en fin de semaine. Et donc, c'est de la Ligue du Lac aux Fleurs, c'est une ligue régionale, là. Donc, tu sais, c'est quasiment autant que la Beauce, puis Thetford, là. Oui, absolument, t'as absolument raison. Non, c'est, il va falloir considérer ça. C'est qu'il y a quelques calibres seniors qui sont de plus en plus intéressants. C'est le cas avec Jonquière, Dolbeau. Une certaine rivalité commence à naître entre les quatre équipes. C'est la même chose du côté de la Mauricie. Les 10 formations qui sont là, il y a des bons matchs de hockey. Du côté de Donnacona, on en attire 700-800 spectateurs. Joliette, des fois, il y a un peu plus de 1000. Donc, il va falloir se poser la question, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a trop de calibres seniors différents en ce moment? Et là, les gens ne savent plus trop où aller. Faut se poser la question, puis également le prix des billets. Ici, le prix des billets est environ 8 $. Là, si tu décides d'aller voir un match de la Ligue nord-américaine, c'est 16 ou 17 $. Tu sais, c'est le double. Je veux pas, c'est des soirées qui coûtent cher pour les personnes. L'économie qui est pas toujours bonne non plus dans les régions. Donc, il y aura plein de choses à regarder et à évaluer pour permettre là, d'avoir un bon calibre senior et des matchs là, et des spectacles intéressants. Effectivement. Dominique Bolduc, on se parle tout à l'heure avec Samuel Girard sur les ondes du 80 de CKAJ. Merci. Le collaborateur Dominique Bolduc.